21h, Radioactive, comme tous les dimanches, Lost in Space, ce dimanche ne fera pas exception aux autres, avec une particularité aujourd'hui, nous allons aborder encore un autre style musical, c'est-à-dire que dans cette toute première partie d'émission, nous allons nous intéresser au très vieux reggae, au reggae des origines années 70, avec pas mal de morceaux, alors c'est vrai qu'on n'en passe pas souvent, on sera mélangé aussi avec des gens qui sont plus de culture rock et qui ont fait du reggae. On continuera en deuxième partie d'émission avec un mix particulier aussi, c'est-à-dire quelque chose d'assez, on va dire, d'assez éclectique. Et on finira par un concert. C'est une habitude que je souhaiterais prendre, finir donc ces émissions par un concert. Et là, aujourd'hui, ça sera un bootleg des Pogues qui était sorti sur CD il y a très longtemps sous le nom de Sing That Bottle. On est parti pour 2 heures. J'espère que ça va vous plaire. Passez une bonne soirée. À tout à l'heure. Les Versatiles avec Cutting Razor à l'instant et on continue avec Zangamin et son titre Igor. We'll be right back. Chers amis, ces éléments ne font pas partie du programme de Nicolas Sarkozy. Nous ne pouvons pas, quelles que soient par ailleurs nos sympathies, soutenir un candidat qui aille aussi radicalement à l'encontre des fondamentaux les plus sains qui conditionnent l'organisation sociale de la société de l'homme. S'il y avait bien des punks qui appréciaient particulièrement le reggae, et bien ce sont les Clash qu'on retrouve ici avec un de leurs titres phares de Armageddon Time, enregistré à Londres en 1979. Et ensuite, une petite, on va dire surprise, une petite sucrerie, Top Neck de Reggae Ska Up the Junction. What's that? What's this? Shake it, hey! Funky, funky, reggae! Rastaman, no catch. chopper bait and shark. A true Rasta man do not gamble. A true Rasta man do not play a card part. A true Rasta man always humble. Obidiah, Obidiah. Jaja sent us here to catch vampire. Obidiah, Obidiah. Jaja sent us here to catch vampire. I have the chalice to light up Jafaya. When I and I catch them vampire, I and I go set them afire. A true Rasta man, no fire, no land gun. A true Rasta man, no true homemade bomb. A true Rasta man, he no drink the jug. A true Rasta man, do not gamble. Obidiah, Obidiah. Jaja send us here to catch vampire. Obidiah, Obidiah. Perry à l'instant avec Catch Vampire et on enchaîne avec Orchestre Rouge, groupe punk, plutôt post-punk même, qui se livre à quelques expérimentations reggae sur ce morceau tiré de leur deuxième album Yellow Lotter. Cold and the snow, how would you vibe? Les murailles hautes et grises, telles des masques d'avancée. Les vastes baies lumineuses des têtes agonies figurant l'intrusion. Murailles atténuantes de perception, une town sonore, prévenant la douce et finale en sinuose. La mort, froide bleutée en s'impose de gel, à convulsive de cils et vertèbres de fumée, articulerait-elle au-dessus de ses faux déclins. En abstraction de coupure, soyeuse d'asphyxie, saturée d'éther, luxueux fruit des veines cabossées de flight, regarde la mort. Elle donc, art total faisant place de vie en vie, dans sa toute intermittence, assemblant les frémissements au point de basculement. S. Herméneutique vitale en son obscure efficience, la mort substituant au lieu d'impossible sa fiction catalyse de vie à l'existence désertée. Solédienne, comme une mort au passé de satin, soulignée de rasoir, mot geste à mouvoir, elle plaça White Light, White Heat sur la platine, susurrée le track Sister Ray. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil. Reggae traditionnel, toujours avec Max Romeo and the Upsetters, qui va être enchaîné par un titre de 1968 d'Eric Morgan avec Great Musical Battle. Yes, folks, this is a big gathering at Music Street. A musical battle between Bonnie Lee and Sir Cox in the round beat. At ringside, we can see some great officials. Officials like King Tubbies the Great, KG, Randis, Prince Buster, Lee Perry, Byron the Dragon, Corey, Mr. Fattinger, and being a big ball of smoke is no other than Mr. George Benson. There are other officials I haven't seen, such as Harry Palmer, Lee Gopchaw. Anyhow, the fight must go on. But on my right stands Sir Cox Round B, wearing red shorts and weighing 200 pounds. On my left stands Bonnie Lee, keeping on his king gown and a white shorts, wearing 220 pounds. Our referee tonight is Joe Frazier. Our judges are Joe Razor, Joe Lewis, and Archie Moore. Now there goes a battle for round one. Well, I can see Cox shuffling across the boundary, and they both of them get into the middle of the ring now. And the right from Coxon to Bonnie Lee head, and Bonnie Lee misses. Another left from Coxon to Bonnie Lee, and Bonnie Lee misses also. And stepping around is Joe Frazier, the referee, running around like he's a busy bee. Then you can see Bonnie Lee, a right from Bonnie Lee to Coxon, touches on the island, but Coxon's really bleeding from the island, one punch from Bonnie Lee. And Coxon's standing strong like he's really want to do something. And a right from Coxon to Bonnie Lee, and switching on his nose, but it comes like nothing doing. And Bonnie Lee to Coxon, well, a right from Bonnie Lee to Coxon, a right from Bonnie Lee to Coxon, Coxon duck, and another right, and Coxon forget to duck, and he's down! Five and Coxon's back on his first one now. And Coxon's coming back like it really is getting stronger. And I'm right to Bonnie Lee from Coxon. I'm not right to Bonnie Lee from Coxon. I'm back up, Bonnie Lee's shooking. Bonnie Lee's shooking. Oh, God damn me, man. No man can come back and fight so And another raid from Constantinople, and Bunny Lee coming back into the fight like he's really a terrorist boy. And Bunny Lee raid from Bunny Lee to Constantinople. Another raid from Bunny Lee to Constantinople. Another raid and a lift and a raid and a lift for Constantinople. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10 boxes out. Qui sont là et qui manipulent des choses, ou alors qui se déplacent dans un milieu, qui traversent une forêt, qui vont enregistrer l'eau, le chant d'un animal, mm-hmm. etc. Donc il y a beaucoup de corps en présence. Lorsqu'on écoute un son, bah, tout d'un coup ça devient une espèce de corps sans corps. Reggae 70s, toujours Augustus Pablo et Thunderclap, et on enchaîne avec Dillinger et son titre Fernando Sancho. The sound's called Fernando Sancho, coming from El Rancho with my musical poncho, you know. Play my banjo, Fernando Sancho. My body's a Fernando Sancho. Fernando Sancho is Americano's conman gringo, in my ringo, in me dingo, said I Fernando Sancho. Man, it was Fernando Sancho. Man, you never know Clint Eastwood. Man, you never know Gabby Hayes. Man, you never know Lee Van Cleef. Fernando Sancho. Si, señor, sabato, morato, molinto, molato, molingo. I'll be gringo with come to mash up the tonies. Now Fernando Sancho, gonna say that data Fernando Sancho. Why you no know El Rancho? Let me tell you this a Fernando Sancho. Why you no know Clint Eastwood? I'ma tell you that a Fernando Sancho. Man, you no know Lee Van Cleef. granddaughter Fernando Sancho. Sounds called Fernando Sancho, I would tell you. And I will never compel you, I just gotta tell you how much I really, really, really love you. Fernando Sancho, El Rancho, Fernando Sancho. The Americanos gunman gringo called Fernando Sancho. Fernando Sancho. Well, I tell you that a Fernando Sancho. Man, me tell you that him live a El Rancho. Fernando Sancho passing through El Rancho as a gringo. See my friend, senor. Have you ever seen that man before, senor? No, my friend, senor. So you come to shoot up the place, eh? Once you take away my tequila, now you come to drink off the whole of my tequila, eh? Fernando Sancho. We tell you that a Fernando Sancho. Fernando Sancho, I will tell you. Passing through El Rancho, we have to stop and check the brother called Fernando Sancho, I would say. But you no know Clint Eastwood. Man, you no know Lee Van Cleef. But you don't know Roy Rogers, yeah. And you no know Lash LaRue. Tell you that I want you, you no know Trinity. Tell you about the brother call, no know Al Capone. Tell you about the brother, you no know Dillinger. I tell you that a Fernando Sancho, all of them man, they are gunman gringo. Yeah. Tell you about the son of Carla Fernando Sancho. Tell you about the son of Carla Fernando Sancho passing through El Rancho. Yeah. But that a Fernando Sancho. Man, me tell you that a Fernando Sancho. Tell you about the brother called Fernando Sancho. I will tell you the man with the pancho and the man who walk and play the musical banjo. Oh, a Fernando Sancho. You never hear about Fernando Sancho. Sounds called Fernando Sancho from El Rancho. Mr. L.F. Dibley's latest film, If. Mr. Dibley, some people have drawn comparisons between your film, If, which ends with a gun battle at a public school, and Mr. Lindsay Anderson's film, If, which ends with a gun battle at a public school. Oh, yes, well, I mean, there were some people who said my film, 2001, A Space Odyssey, was similar to Stanley Kubrick's. I mean, that's the sort of petty critical niggling that's dogged my career. Oh, it makes me sick. I mean, as soon as I had made Midnight Cowboy with the vicar as a Ratso Ritzo, John Schlesinger rushes out his version and gets it premiered while mine's still at the chemist's. Well, we have with us tonight one of your films, Rear Window, which was to become such a success for Alfred Hitchcock a few weeks later. Now, this is a silent film, so perhaps you could talk us through it. Yes. In my mouth, I've got a heavy, heavy, heavy, heavy Deux de mes groupes favoris, tout d'abord les Au Pairs, groupe anglais de la fin des années 70, début 80, avec ce magnifique morceau qui s'appelle Headache for Michelle, et ensuite les Punk Rasta de Washington DC, les Bad Brains avec leur morceau I Love One Jar. Trying to live my life in Après la mort du mari de Patti Smith, Fred Smith des MC5, des rumeurs comme quoi le Patti Smith Group se reformait sont mises à circuler. Puis il y a eu des rumeurs comme quoi les Sex Pistols se reformaient. Puis les rumeurs se sont révélées exactes. Tout d'un coup, tout reprenait vie, exactement au moment où le livre est arrivé sur les étagères des librairies. C'était une pure coïncidence. J'aimerais pouvoir dire que c'était un plan rusé de la part de Gillian et de la mienne, mais nous étions absolument aussi surpris que tout le monde. À présent, 10 ans après, Gillian m'apprend qu'elle et son mari, Jim Marshall, travaillent à mettre à jour la liste des personnages pour édition française, car tant de gens sont morts. Combien lui ai-je demandé ? Beaucoup, a-t-elle répondu. Nous sommes tous deux restés silencieux, sachant que Bob Quinn, l'ami très cher de Jim Marshall, était parti, ainsi que Johnny, Didi et Joey Ramone. C'est ce qui me met le plus en colère que les Ramones, qui se haïssaient tellement, aient dû supporter 20 ans et plus ensemble dans leur camion, et que juste au moment où ils se sont arrêtés et ont enfin pu faire ce qu'ils voulaient, ils n'aient jamais eu la chance de voir à quel point ils étaient profondément appréciés. Joey, comme tous les autres personnages de Please Kill Me, a vraiment sauvé le rock'n'roll, et c'est pour ça que Gillian et moi avons écrit ce livre, pour raconter l'histoire d'une bande de losers et de marginaux, de junkies et de putains, de génies et d'idiots, de poètes et d'illettrés, qui se sont réunis pendant un bref moment dans l'histoire pour faire du très bon rock'n'roll et s'éclater en le faisant. Puisse cette histoire nous donner à tous la force de ne jamais accepter la médiocrité, car seuls les médiocres se reposent toujours sur leur laurier. Lex McNeil, de Springmount, Pennsylvanie. Et enfin, pour finir notre session reggae, nous venons d'écouter The Abyssinians avec Sata Masagana et le tout dernier titre qui avait fait un tube fin des années 70, Althea and Donna, avec Uptown Top Ranking. Et c'est fini pour le reggae. Jusqu'à la prochaine. Check say we hip and ting. Chew them no know and ting. We have them going and ting. Now pop no style. All strictly roots. Now pop no style. All strictly roots. See me on the road and you no call out to me. Do you see me in my pants and ting? See me in my altar back. Send me give you a heart attack. Give me little bass, make me wine up my waist. Uptown top ranking. See me in my Benz and ting. Dolly true constant spring. Them chicks say we come from Cosmo Spring. But the truth them no know and ting. Them no know say we top ranking. Uptown top ranking. Should I see me and the ranking dread? Ooh. Check out we jamming and ting. Love is all I bring. In a khaki suit and ting. Now pop no style. I strictly roots. Now pop no style. Chuck it and ting. In our khaki suit and ting. Love is all I bring. In our khaki suit and ting. Now pop no style. A strictly roots. Now pop no style. A strictly roots. Sur le répondeur de l'école de votre enfant. Dans le but de mieux répondre à vos besoins et de vous permettre de parler à la bonne personne, nous vous prions d'écouter le menu suivant avant de faire votre sélection. Pour mentir au sujet de l'absence de votre enfant, faites le 1. Pour excuser le fait que votre enfant n'a pas fait son devoir, faites le 2. Pour vous plaindre de ce que nous faisons, faites le 3. Pour demander la démission d'un professeur, faites le 4. pour demander pourquoi vous n'avez pas reçu les documents qui étaient déjà inclus dans votre lettre de convocation ainsi que les précédents bulletins, faites le 5. Si vous voulez que nous élevions votre enfant à votre place, faites le 6. Pour demander que votre enfant change d'enseignant pour la troisième fois cette année, faites le 7. Pour vous plaindre du transport scolaire, faites le 8. Pour vous plaindre de la cafétéria, faites le 9. Si vous réalisez que vous êtes dans le monde réel, que votre enfant et vous-même devez être responsables de vos actions, vous pouvez raccrocher. We'll be right back. 去年は22,104人の勇気ある人々が怒りのデモに参加した。踏み外しに気づいたことへの抗議、自らの過失ではない過失を許すという過失、その過ちを放置するばかりか、危機として受け入れることの苦を悟った22,104人の日本国籍の賢者たち、性に対する対応は普通ない。人はなぜ相手の許可も得ずに殴ることが多いんだろうか。乱暴な話だ。世の中は大丈夫な人たちだけが動かしているような、今の私は大丈夫じゃないが、なんとか混ぜてくれないかと頼むと沈黙が断りに来る。乱暴な話だ。神を持つ者が迫害視される国。乱暴な話だ。そこまでは行きたくないと訴えているにもかかわらず、時計は止まらない。乱暴な話だ。愛に対する会議はないのか。愛に対する会議はないのか。 Waiting for the day. Yorkshire Ripper. The so-called Yorkshire Ripper. donc dans lequel vous avez entendu dans l'ordre Radio 4 avec Dance to the Underground, Nausea, Jerry's Kid, The Proletariat, The Fuse, A Certain Ratio, Ushu Engine, Daichi Akensha, The Freeze, Pure, Gorp, Mulligan and Smith. Et c'est maintenant l'heure de notre live avec les Pogues. Oh, for life. Push me in the back. Fuck, we broke its fucking balls. Maybe that was dreaming, maybe that was real. I don't know, so I got the pits and pretty on the fuck ass. Let's look at some clowns, buy your drink. I'm muttering, you're in the morning. Now I don't want to share my ever endings. I'm so much, it's the beast that chops the worst. Fly green bullets, sitting on the floor. There was a Christ, there was a Christ there. song is from our new LP, which is called Peace and Love. This is called Cotton Fields. It's about tits and pussy. Thank you. next song's written by Steve Earle from Texas. Listen up close, I can tell myself. Boys, I'm buying this round. Was to do a while, but we're in this fight. Ain't coming home to be done, that's right. Gotta do camp time, driving out. Gotta have to spare my last pound. My first got a lot of it, pouring down the rain. Met a little girl in a field canteen. Ain't no money now, I know it's not a play. 6 months, it's your time, bro. Well, I asked if I could stay, she said that I might. Wanna come around, yell and shit down my life. Never put me down on the ground of mine. We've been in love till dawn. A shiny girl, a lady girl, smashing at home. Chest full of medals and a G.I. wrong. The way in this station that stands on. Shiny girl, smashing at home. She's a pretty good chick. Took her around, coming just a channel ass trick. Thinking about my baby, I was coming through so far. Well, they can ship me all over this great big world. Never found nothing, I'm a knocking girl. Taking her home from the one way trip. Soon as we were in this walk. Now a shiny come, lady come smashing home. But it's just for the medals and the G.I. long. Waiting at the station that's standing tall. Let's go again! Johnny! Hey! I'm going down to the side of the sun. Turn the bell on the on the ground, on the front of that car. This line. I'm standing on this runway in San Diego. Got the purple hearts, I'm moving it slow. Nobody here, maybe nobody knows. Place called Vietnam. Now a Johnny come, lady comes marching home. Chest full of medals and a G.I. long. Waiting at the station that stands on. Johnny comes marching home. Now a Johnny come, lady comes marching home. Chest full of medals and a G.I. long. Waiting at the station that is San Antonio. Johnny comes marching home. Yeah! Call me a smile. Stars. Voilà, Lost in Space, c'est fini. Il est un peu plus de 23h. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous donne rendez-vous forcément la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Lost in Space, vraisemblablement consacré à la musique d'ascenseur ou le easy listening. Et puis, on peut se retrouver aussi demain dans les Écopop où nous ferons une émission spéciale morceaux instrumentaux dans le rock. Vous allez voir, il y aura des choses sympathiques. En attendant, bonne nuit, bonne journée de demain et bon travail pour ceux qui y vont. Et ciao.